Chapitre 10e. De l'histoire au roman, la transition est facile chez M. de Lamartine. Mais le roman n'engage pas, au même degré que l'histoire, la responsabilité d'un écrivain, et sa plume y a plus de liberté. Jocelyn n'était d'ailleurs, par certains côtés, qu'un roman où s'étaient révélées les plus précieuses qualités littéraires. C'était un roman épique. Il était facile de prévoir que le jour où M. de Lamartine aborderait le roman avec sa belle et large prose, avec son sentiment profond de la nature, avec sa sensibilité passionnée, il lui serait aisé d'y trouver l'occasion de quelques nouveaux chefs-d'œuvre. Sans doute, il n'avait pas ce regard inquisiteur de Balzac. Ses yeux, qui étaient si bien faits pour découvrir, jusque dans le coin le plus caché de l'âme, les penchants, les instincts, les désirs les plus inavoués. Mais Lamartine voyait ce que Balzac ne voyait pas, le bien. Son âme, malgré tant de fautes, était en pente vers tout ce qui était grand et noble. Dans ses futurs romans, on pouvait craindre les rêves trop nuageux et les descriptions trop longues, mais à coup sûr, on n'avait à y redouter rien de bas. À moins toutefois que certains orgueils, certains désirs de s'étaler dans ses œuvres et d'y faire des confidences au public, ne dominât encore M. de Lamartine et ne lui arrachât quelques indiscrétions sans délicatesse. Ce fut, par malheur, ce qui arriva dans cette Graziella, où beaucoup des admirateurs de M. de Lamartine veulent voir son chef-d'œuvre, mais où les chrétiens, jugent plus difficile, voient avant tout une révélation de son égoïsme. Certes, les beautés les plus vraies abondent dans Graziella. Cette vie de pauvre pêcheur napolitain sur la côte de Procida, cette beauté naïve d'une jeune fille qui s'ignore, cette piété sincère et ardente, cette arrivée de deux étrangers, de deux hôtes au foyer de ces braves gens, cet amour naissant de Graziella pour l'auteur même de tout ce récit indiscret, cet amour partagé qui s'échauffe et grandit sans se connaître, cette tempête qui ruine en un jour toute la fortune de ces malheureux, cette charité qui répare tant de ruines avec une modestie et un tact charmant, cette reconnaissance de la jeune fille qui s'ajoute à son amour et le complique au point de le rendre tout à fait inguérissable, toutes ces choses, toutes ces scènes sont merveilleusement rendues. On n'a jamais écrit rien de plus simplement émouvant. Puis, quel paysage! Non, jamais, avec des mots, on ne s'est approché si près des œuvres du pinceau. Lamartine, en une page, décrit un site avec mille tons harmonieusement fondus, et il en résulte, sous les yeux du lecteur, quelque chose de plus animé, de plus complet que les chefs-d'œuvre du Poussin, quelque chose de plus grand et de plus majestueux que l'étoile de Troyon et de Corot. Le poète n'a plus le vers qui le gêne dans son essor. Il a conquis cette bonne liberté de la prose, et la nature tout entière entre aisément dans ses descriptions élargies. Ce n'est pas tout. Les nuances les plus fines sont rigoureusement observées. Il y a dans ces vastes paysages de petits coins charmants, où le pinceau est d'une subtilité, d'une délicatesse infinie. Pourquoi faut-il que le dénouement de cette œuvre nous fasse une loi de la juger sévèrement? Cet abandon de la pauvre Graziella par celui qui s'était trop aisément laissé aimer et qui avait imprudemment encouragé un amour dont il ne pouvait couronner le désir, cette fuite précipitée, ce désespoir de la jeune fille, cette poursuite ardente, cette mort prématurée, ces dernières pages, tout cela nous laisse tristes et presque moroses. Il faut donc nous résigner à ne nous laisser charmer que par quelques pages de ce livre inégal, qu'à lire et à relire cet épisode immortel de la tempête, et à trouver dans ses beautés de premier ordre quelques circonstances atténuantes pour pardonner plus aisément à l'égoïsme du poète. Mais dans Geneviève, nous n'aurons à formuler aucune de ces réserves qu'un chrétien serait coupable de ne pas rendre publique. Geneviève est le meilleur roman de Lamartine. C'est une des œuvres les plus remarquables de notre temps. Qu'elle ait eu moins de succès que Graziella, qu'elle n'ait pas encore conquis l'immense popularité dont elle est vraiment digne, qu'elle ne soit pas connue ni aimée du peuple auquel elle s'adresse, c'est ce que nous n'ignorons pas. Mais l'insuccès d'une belle œuvre ne doit pas modifier le jugement d'un chrétien et ne modifiera pas le nôtre. Geneviève est une pauvre fille de campagne qui s'élève par degrés aux plus héroïques vertus, aux dévouements les plus sublimes. Tout d'abord, cette servante née est, comme le dit le poète, la troisième main de sa mère infirme. Puis elle se fait, avec un amour qui ne sera jamais dignement payé, la servante assidue de sa petite sœur Josette. Cependant, tant de services désintéressés n'ont pas altéré sa jeunesse ni compromis sa beauté. Elle est pâle seulement, mais encore toute charmante au milieu de son rude service et de son ineffable dévouement. Tant de vertus cachées jettent d'ailleurs un certain rayonnement autour d'elle. On parle de Geneviève dans tout le pays. On l'entoure d'estime et presque de respect. Il est quelqu'un qui l'aime par-dessus tous et qui le fait savoir, c'est Cyprien. Noble et simple amour, qui ne scandalisera aucun lecteur chrétien, à moins qu'il n'y ait encore quelques jansénistes hypocrites et lugubres qui ne permettent pas au sourire d'un jeune homme de rencontrer le sourire d'une jeune fille et qui nous défendent, sous les peines les plus sévères, de trouver doux ce sourire, de l'aimer, de désirer enfin que nos jours soient éclairés par un pur visage chastement aimé. Quant à nous, nous ne partagerons jamais ce rigorisme absurde autant que périlleux, et nous approuverons très simplement l'amour de Geneviève et de Cyprien. Ah, ce n'est pas là qu'est le danger de leur présente. D'ailleurs, qu'ils se rassurent tous ceux qu'un chaste amour pourrait encore épouvanter. Cyprien n'épousera point Geneviève. Cette affection ne sera point couronnée. La pauvre servante née ne peut se résigner à quitter sa petite sœur, que les mains mourantes de sa mère ont solennellement confiée à sa garde maternelle. Non, elle ne l'abandonnera point. Et c'est en vain que l'amour chante en son cœur, c'est en vain qu'elle voit passer sous les yeux de son imagination ravie la maison de Cyprien qui l'attend, et Cyprien lui-même qui lui tend les bras. Le devoir l'attache et la retient. Ô dévouement, ô sacrifice admirable, pourras-tu jamais être surpassé ici-bas? Oui, tu le seras. Et c'est la pauvre Geneviève qui trouvera encore le secret de faire pâlir tant de vertus par l'éclat d'une vertu mille fois supérieure. Le bruit se répand un jour qu'une pauvre femme de son pays est accusée de je ne sais quel délit, qu'elle est emprisonnée, qu'elle est déshonorée. Geneviève l'apprend, et soudain, je pleure à chaudes larmes en racontant cette histoire, se déclare coupable et se fait jeter en prison à la place de la pauvre vieille. Oui, elle sent qu'elle se paiera jamais dans l'estime de Cyprien, qu'elle manque aux douces promesses dont elle avait lié le cœur de ce cher fiancé, qu'il lui faut renoncer pour toujours à tant de bonheur, à ce sourire, à ces tendresses saintes, à ces enchantements légitimes. Qu'importe, elle détourne les yeux et accomplit son sacrifice. Ô charité, charité divine! Quelque temps après, Cyprien épousait une autre femme, et un peu plus tard, Geneviève sortait de prison demi-nue et mendiant son pain. Hélas, elle n'avait pas encore bu le plus amer de son calice, et nous ne nous attendons guère au dénouement de ce récit. Laissez-moi vous en achever le résumé. Vous voyez bien que je ne suis pas de force à m'arrêter sur ce chemin. Un jour, Geneviève, la pauvre fille, la mendiante, est saisie dans les montagnes par un épouvantable ouragan. Elle roule dans la neige, blême de froid et de peur. Elle va mourir là. Elle va mourir abandonnée. Lorsque tout à coup, au bonheur, elle entend le mugissement lent et sourd d'une vache. À laquelle répondit le chant d'un coq endormi qui chantait sans doute en rêve ou bien qui prenait la lueur d'une étoile pour un premier rayon du matin. Tout près de là était une étable. La pauvrette ose y entrer. Elle s'y blottit dans la paille chaude, elle y sent de nouveau son sang courir, elle y revient à la vie. « Je me sentais, dit-elle, comme dans une crèche que le bon Dieu m'aurait bâtie sur les cimes des montagnes, semblable à celle où la Sainte Vierge s'était réfugiée de son temps en allant en Égypte. Cette mémoire, qui me revient en l'esprit dans ce moment, m'enleva toute l'humiliation de mendier la moitié de sa place à une bête. Je me dis, tiens, puisque la servante de Dieu n'a pas eu honte d'une étable, de quoi donc aurais-tu honte, toi? Et je finis par m'endormir tranquillement au dernier coup du vent qui faisait battre les volets de l'écurie et du grésil qui tintait contre les vitres. Hélas, quel réveil! Geneviève, sans le savoir, s'était réfugiée dans la propre maison de Cyprien, de ce fiancé qu'elle avait trahi, de celui qu'elle avait tant aimé et qui... Mais maintenant, il était l'époux d'une autre. Qu'allait-il dire en la voyant dans cet état de misère extrême et de dénuement honteux? Qu'allait dire la jeune femme? « Oh, mon bon ange, s'écrie la malheureuse, couvrez-moi de vos ailes, rendez-moi invisible, et dérober ma misère et mon humiliation à celle qui jouit justement de la richesse, de la bonne renommée et du bonheur que j'ai eu sous la main. » Mais elle entend des pas. C'est la jeune ménagère, c'est la femme de Cyprien qui vient traire les bâches. Geneviève va être découverte. Et en effet, elle apparaît sous ses haillons aux yeux de celle dont elle pourrait tenir la place. Cyprien lui-même est là, qui la prend en pitié. Toute la maison l'entoure, on la considère, on la reconnaît, et elle pense mourir de honte sous tant de regards accusateurs. Ah, c'en est trop, et il est temps, n'est-il pas vrai, que justice se fasse. Un cri retentit dans l'étable. C'est la vieille femme que Geneviève a sauvée de la prison. Mais non, les larmes m'étouffent presque, et je préfère céder la parole au grand romancier, ou plutôt à Geneviève elle-même. Geneviève ? S'écria une voix qui me tinta dans les oreilles comme si ça avait été celle de mon baptême ou de ma première communion. Geneviève ? Quoi ? Cette fille nue et mendiante qui grelotte à vos genoux, c'est Geneviève ? Ah ! Vous devriez être au sien ! En disant cela, elle fendit précipitamment le groupe des trois femmes, du vieillard et de Cyprien, pour me prendre dans ses bras. Ah bien, je n'en rougis pas d'elle, moi, qu'elle ajouta. Je levai la tête. J'ouvris les yeux à cette voix et à ce mouvement, et à travers mes larmes, qui m'aveuglaient, je reconnus qui ? Vous ne le diriez pas en 100 000 ? La mère Bélan de Voiron, celle que j'avais retirée de prison en y entrant à sa place. La mère Bélan me releva et m'embrassa au moins 20 fois devant tout ce monde étonné, comme si j'avais été quelque chose. Je lui fis signe de se taire et de me laisser passer pour ce que je n'étais pas. « Eh bien, c'est trop fort !» qu'elle s'écria en frappant du pied sur le plancher des bâches et en mettant ses deux mains sur ses hanches pour regarder le père et la mère qui faisaient avec les lèvres des airs de dégoût. « Non, c'est plus fort que moi. J'aime mieux manquer à ma parole que de la tenir pour laisser condamner et avilir une innocente. Je dirai tout une fois dans ma vie. » Qu'elle fit comme en s'impatientant. « Eh bien, vous autres ?» leur dit-elle. « Savez-vous qui vous injuriez, qui vous méprisez ?» Ils se turent. « Non, eh bien, je vais vous le dire, et ça vous apprendra à parler sans savoir. » Alors, malgré tout ce que je pus faire, elle leur raconta tout. « Et voyez, » ajouta-t-elle en me faisant taire forcément quand je voulais l'arrêter et la contredire, « voyez, la voilà encore qui voudrait être avilie et méprisée devant vous, et qui souffre la misère, la honte, la faim et le froid, plutôt que de réclamer ce qui lui revient, sa réputation et sa vertu. « Ce que j'ai dit est dit, » ajouta-t-elle en finissant. Puis elle m'embrassa encore en pleurant et elle me dit « Mademoiselle Geneviève, pardonnez-moi ici-bas. Je suis sûr que votre pauvre sœur défunte me pardonne dans le paradis. Si ces gens-là ne veulent pas vous rendre justice, venez chez moi. Je vous prendrai comme ma fille et je me glorifierai devant tout Voiron de partager mon lit et mon pain avec la plus honnête et la plus pure fille du pays. » Personne ne disait rien. Et tout le monde pleurait. Cyprien se mit à genoux avec sa femme à ma place. « Pardonnez-moi, me dit-il, de vous avoir méconnu, mademoiselle Geneviève, c'est vous qui l'avez voulu. Quelque chose me disait qu'il devait y avoir un mystère là-dessous. Nous n'y avons pas vu clair avant le jour d'aujourd'hui. Mais voilà ma femme, qui vous aimera bien, et ma mère et mon père, qui vous traiteront comme une fille retrouvée. » Et c'est ainsi que je devins servante, et servante de bon cœur, dans la maison où j'avais dû être maîtresse, mais sans rancune, en me souvenant avec plaisir que j'avais aimé Cyprien, et en aimant encore mieux sa femme à cause de lui. En achevant cette citation, qu'aucun de nos lecteurs n'aura trouvée trop longue, nous le demandons à la bonne foi à l'impartialité de tous les dépréciateurs littéraires de notre temps. Y a-t-il dans tout le XVIIe siècle une page aussi naturelle, aussi simple, aussi puissante que celle-là? Vous étonnerez-vous que nous préférions une littérature qui va ainsi jusqu'au fond du cœur humain et qui ouvre les sources de nos pleurs? Essayez, en regard de cette page émouvante, sublime, essayez de placer une page de Boileau, de Racine, de La Bruyère, de Pascal même et de Bossuet. Vous n'y sentirez pas frémir la même simplicité de vie. Le siècle de Louis XIV nous élève et nous grandit, mais ne nous remue point, et ne nous fait pas pleurer les meilleures de nos larmes. Nous ne voulons pas parler du siècle de Voltaire. Tentez, après avoir lu Geneviève, de relire cette pastorale prétentieuse et fausse, ce Paul et Virginie que tant d'entendements bourgeois considèrent encore comme un chef-d'œuvre de naturel. Vous ne le pourrez pas, vous rejetterez le livre, et Bernardin de Saint-Pierre nous produira l'effet de Florian.